إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 32 dans la lecture du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah avec les commentaires de Cheikh Saleh Ibn Fawzan al-Fawzan dans le livre qui s'intitule At-Ta'liq al-Qawim ala Iqtida Sirat al-Mustaqim. Et on est arrivé à la page 232 du volume 1 et on est au passage ou au commentaire numéro 130. Cheikh al-Islam, après avoir mentionné les hadiths la semaine passée, on a lu les hadiths qu'il a cités au sujet de la dunya et de l'épreuve de la dunya, de ne pas se laisser tenter par les tentations de la dunya. Et bien maintenant, il continue dans ce même sujet, mais il rajoute certains éléments qui sont cités dans plusieurs hadiths, parce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, parmi une de ses méthodologies ou une de ses habitudes, c'est que lorsqu'il parle d'un sujet, il va ramener tous les hadiths qui sont reliés avec ce sujet. Et s'il y a une version ou une narration, il y a un hadith en particulier et qu'il y a plusieurs narrations du même hadith et que chaque narration rajoute des détails, eh bien il va les citer toutes. En général, il fait ça. Rahimahullah. Et ça, c'est pourquoi? C'est pour qu'on arrive à une compréhension plus globale et plus générale du sujet. Pour qu'on soit capable de le comprendre de façon plus complète. Et ça, c'est une méthodologie que les savants de Ahlus Sunnah emploient de façon générale. Parce que l'erreur de ne pas appliquer cette méthode-là ou de ne pas agir de cette façon-là, c'est qu'on arrive à des conclusions hâtives. Et on se trompe parfois dans la signification des textes. Parce qu'on prend juste une seule version, une seule narration d'un hadith, puis on laisse de côté les autres. Et puis, dans les autres, parfois, il y a des explications qui viennent clarifier des détails qui sont mentionnés dans certaines autres narrations. Et donc c'est pour ça que c'est très important de prendre cette méthode-là en considération pour comprendre bien comme il faut les textes et pas les comprendre en dehors de leur contexte. Donc il dit ici « وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَدِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُوا كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ فَحَذَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِتْنَةَ النِّسَاءِ مُعَلِّلًا بِأَنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ وَهَذَا نَظِيرُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا نَذْكُرُهُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وإنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذوا هذه نساؤهم يعني وصل الشعر وكثير من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها إنما يدعو إليها النساء. Donc qu'est-ce qu'il dit Cheikh al-Islam? Il cite ce hadith qui est rapporté selon Abi Sa'id al-Khudri par l'imam muslim dans son sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la dunya, elle est douce et elle est verte. C'est-à-dire, elle est fraîche, elle est sucrée, elle est douce. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous succéder les uns les autres dans celle-ci. C'est-à-dire, dans la dunya, vous vous succédez les uns aux autres. Pour regarder comment vous allez agir, qu'est-ce que vous allez faire. Alors, prenez garde à la dunya, faites attention à la dunya et prenez garde aux femmes. Parce que la première épreuve dans laquelle Bani Israël est tombé, c'était l'épreuve de la femme, l'épreuve des femmes. Alors le cheikh il explique, Ibn Taymiyyah, que Allah subhanahu wa ta'ala met en garde contre la fitna des femmes. Et la raison pour laquelle il met en garde contre les femmes, c'est parce que c'était la première fitna dans laquelle les fils d'Israël sont tombés. C'était pour eux la première fitna. Et donc si c'était pour eux la première fitna, eh bien faites attention à ce que ça ne devienne pas une fitna aussi pour vous, ou vous les musulmans, ou vous les gens de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que ça c'est quelque chose de semblable que ce qui a été mentionné dans le hadith de Muawiyah radiyallahu anhu, qui est un hadith qui est apporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abdurrahman ibn Auf, et ici il le mentionne comme étant de Muawiyah. Il dit que les fils d'Israël ont uniquement péri lorsque leurs femmes ont pris ceci. Et il mentionne, c'est-à-dire d'attacher leurs cheveux avec d'autres cheveux, c'est-à-dire de mettre des extensions à leurs cheveux. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, les fils d'Israël ont commencé à se perdre et à périr lorsque leurs femmes ont commencé à mettre des extensions dans leurs cheveux, c'est-à-dire à attacher à leurs cheveux des cheveux qui ne sont pas leurs cheveux. Et il dit que Ibn Taymiyyah, il termine ce passage en disant que beaucoup des ressemblances des gens du livre, beaucoup des ressemblances qui apparaissent ou qui se produisent parmi les ressemblances des musulmans lorsqu'ils essaient d'imiter les gens du livre dans leurs fêtes et dans leurs célébrations ou autres, c'est les femmes qui appellent et qui invitent à cette ressemblance-là, et qui invitent les musulmans ou les gens à ressembler aux gens du livre. Et donc ça c'est quelque chose qu'on constate effectivement, oui, les femmes sont plus attirées à essayer d'imiter les kuffars que les hommes en général, et surtout quand c'est relié aux fêtes et aux célébrations, parce que les femmes aiment les fêtes et les célébrations, et ce sont souvent elles les premières à se précipiter vers ces choses-là. Et elles disent, mais c'est pour les enfants, c'est pour les amuser, ou bien il n'y a rien de mal, c'est juste une fête, ou des choses comme ça. Et l'exemple des extensions pour les cheveux, c'est semblable à ça. Maintenant, Cheikh Al-Fawzan, il va expliquer tout ce qu'on a lu maintenant. Cheikh Al-Fawzan, il dit, « قوله إن الدنيا حلوة خادرة هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا و تصرف الناس فيها وقد وصف الله عز وجل الدنيا فقال مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا في سورة الكهف وقال إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس فالدنيا ظل زائل وعارية مستردة فلا ينبغي للإنسان أن يغتر بها. Donc, on va traduire cette partie. Le cheikh, il dit que cette dunya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit comme étant quelque chose de sucré qui est vert. Et c'est un exemple qu'il donne pour la dunya et pour montrer comment les gens agissent dans la vie d'ici-bas. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a décrit cette dunya. On sait que les plantes, lorsqu'elles sont vertes, eh bien, elles ne restent pas vertes indéfiniment. Hein, elles commencent rapidement à perdre leur couleur et à s'assécher, à mourir. Donc le premier verset qu'il a cité, c'est le verset 45 dans Sourate Al-Kahf. Donc on va lire ensemble la traduction de ce premier verset. Il dit ce qui signifie, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie dans ce verset, et propose-leur l'exemple de la vie d'ici-bas, de la dunya. Elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel. La végétation de la terre se mélange à elle, puis elle devient de l'herbe desséchée que le vent disperse. Allah est certes puissant en toutes choses. Donc c'est pour dire que la dunya et la beauté de cette dunya, c'est quelque chose d'éphémère. C'est quelque chose qui est là, qui reste pendant une petite durée de temps, puis qui meurt et puis qui disparaît. Donc c'est pas quelque chose de stable et de constant et de permanent. Et l'exemple également dans le verset 24 dans Sourate Yunus, où Allah subhanahu wa ta'ala justement donne une autre description de la dunya. Il dit: la vie présente, c'est-à-dire la vie d'ici-bas, est comparable à une eau que nous faisons descendre du ciel et qui se mélange à la végétation de la terre dont se nourrissent les hommes et les bêtes. Puis, lorsque la terre prend sa parure et s'embellit, et que ses habitants pensent qu'elle est à leur entière disposition, notre ordre, c'est-à-dire le commandement d'Allah, lui vient de nuit ou de jour. C'est alors que nous la rendons, ou que nous la rendrons toute moissonnée, comme si elle n'avait pas été ou jamais été florissante la veille. Ainsi exposons-nous les preuves pour des gens qui réfléchissent. Donc ça, c'est les versets que le cheikh il a cité. Puis il y a aussi un autre verset à ce sujet-là dans Sourate Al-Hadid. Je pense que c'est bien de le citer aussi, même si le cheikh il l'a pas mentionné, mais il y a dedans une comparaison par rapport à la dunya. Il dit, le verset 20 dans Sourate Al-Hadid: sachez que la vie présente n'est qu'un jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie, la végétation qui vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane, et tu la vois donc jaunie. Ensuite, elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment et aussi un pardon et agrément d'Allah. Et la vie d'ici-bas, la vie présente, n'est qu'une jouissance trompeuse. Hein, dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de la vie d'ici-bas comme étant al-ajila. Al-ajila. C'est-à-dire quelque chose qui est éphémère. Quelque chose qui est beau pour un certain temps, mais qui se fane très rapidement. Hein. Donc les gens qui s'attachent à cette dunya, c'est des gens qui réfléchissent peu. C'est des gens qui réfléchissent peu parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils ne vont pas y rester éternellement. Et que même s'ils y restent un certain temps, tout ce qu'ils vont garder de cette dunya, c'est rien du tout. Puisque quand ils meurent, ils n'apportent rien avec eux. Donc le cheikh, il continue en disant que cette dunya, c'est comme une ombre. Hein, et elle ne reste pas. Tu vois, l'ombre, lorsque tu t'assois sous l'ombre, eh bien, le ciel... Dans le ciel, le soleil bouge et puis à un moment donné, l'ombre dans laquelle tu t'assoyais, ben, elle est disparue, elle disparaît par la suite. Et donc c'est quelque chose qui reste pas, qui est pas permanent. Et donc l'être humain ne doit pas se laisser tromper par par l'apparence de la dunya. Et il dit ensuite: فالله استخلف الناس في هذه الدنيا بمعنى أنه جعل بعضهم يخلف بعضا. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'on se succède les uns les autres sur cette vie d'ici-bas, dans la vie d'ici-bas. Nous, on a été engendrés par nos parents. Nous, ensuite, on a des enfants. Nos enfants vont nous succéder et leurs enfants vont les succéder et ainsi de suite. Wa kama qala li abihim Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifa. Yani innahu yakhlufu min man qablahu. لا كما يفهم بعض الناس أنه خليفة الله فإن الله جل وعلا ليس له خليفة وليس بحاجة إلى خليفة وإنما الله هو الخليفة سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله خليفتي على كل مسلم فالناس هم الذين بحاجة لمن يخلفهم يقول ويقول الله سبحانه وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات فالله يستخلف العباد فيذهب جيل ويأتي جيل ويموت شخص ويرثه شخص آخر وهكذا. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à notre père, c'est-à-dire Adam alayhi salam, je vais faire de pour vous un successeur sur la terre. Je vais faire pour vous un successeur sur la terre en parlant de Adam. Et il a dit, c'est-à-dire qui va succéder à ceux qui étaient auparavant. Hein, certains ont dit c'était les djinns qui étaient là auparavant, puis Adam qui va succéder par la suite. Et il ne faut pas comprendre, comme certaines personnes ont compris de façon incorrecte ou erronée, que yani, l'homme était le successeur ou le vice-gérant d'Allah sur terre. Certains essaient d'interpréter ça de cette façon, que l'homme est le khalifa d'Allah sur terre, ou qu'il est le remplaçant ou le représentant d'Allah sur terre. Il dit, le cheikh, ça c'est incorrect et c'est faux. Il y a beaucoup de soufis qui répètent cette idée-là et qui mentionnent cette idée-là, même certains parmi les ikhwan. Donc le cheikh il dit, en réalité Allah n'a pas de khalifa. En réalité Allah n'a pas besoin non plus de khalifa, mais plutôt c'est Allah qui est notre khalifa. C'est Allah qui est notre khalifa, c'est-à-dire c'est lui qui nous succède, dans le sens que lorsque nous on n'est plus là, c'est lui qui veille à nous et à nos familles et à nos affaires pour nous. Donc c'est lui notre successeur, et donc c'est Allah qui est le successeur et le khalifa. Comme il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith qui est rapporté selon An-Nawas ibn Sam'an, rapporté par l'imam al-Bukhari, il dit, Allah est mon successeur, c'est-à-dire mon khalifa, sur tous les musulmans, sur tout musulman. Donc c'est Allah qui est le successeur. Et si vous connaissez le dua qu'on dit lorsqu'on part en voyage, hein, on dit dans le dua du voyage, on dit Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal khalifatu fi al-ahl. Hein? Tu dis ça dans le dua du voyage, tu dis c'est toi le compagnon dans le voyage et le successeur dans la famille. C'est-à-dire c'est toi qui vas veiller sur la famille pendant que moi je suis en voyage. Donc c'est pour dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le khalifa de l'homme, hein, qui c'est lui qui succède à l'homme et qui surveille l'homme et qui veille sur ses biens et sur sa famille en son absence, et non pas le contraire. Et il dit, donc ce sont les hommes qui ont besoin de quelqu'un pour les succéder et non pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, يقول الله سبحانه وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه, c'est-à-dire et dépensez de ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné comme bien, que vous laissez les uns les autres en succession, hein, que vous avez hérité de génération en génération. Ouais, le chauffage est allumé, donc faites attention. Non. Et l'autre verset qu'il a mentionné, le verset 165 dans Sourate Al-An'am, c'est lui qui a fait de vous des successeurs sur la terre, et il a élevé certains d'entre vous au-dessus d'autres en degré. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis sur la terre et il a mis certains d'entre nous au-dessus d'autres en degré. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'égalité entre les hommes. Il y a des hommes à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné plus de force que d'autres, plus d'intelligence que d'autres, plus de richesse que d'autres. Il ne nous a pas tous créés égaux. S'il aurait voulu, il nous aurait tous créés égaux. Mais il a voulu qu'on soit différents et qu'on soit dans ces inégalités-là pour nous mettre à l'épreuve, pour nous tester, pour nous éprouver les uns les autres, pour voir si on allait être reconnaissant, pour voir si on allait être patient, hein, et ainsi de suite. Et donc, il y a une sagesse derrière tout ça. Et c'est pas comme ceux qui essaient ou qui essaient de dire qu'il faut combattre toutes les inégalités, puis faire en sorte que tout le monde soit égal. Ils peuvent essayer, mais ils vont jamais réussir. Parce que c'est Allah, par sa sagesse, qui a voulu qu'il y ait des inégalités. Hein? Et si tout le monde était riche, comment Allah allait éprouver la générosité des hommes. Et comment on les laisse savoir qui est pingre, qui est avare et qui est généreux, si tout le monde était riche, hein, et si tout le monde avait le même niveau d'argent, le même niveau d'intelligence, le même niveau de... Comment il aurait pu nous éprouver les uns avec les autres, comme les uns par les autres? Donc ça c'est un exemple. Après, le cheikh il dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que les uns d'entre nous succèdent aux autres. Et il y a une génération qui part, et il y a une autre génération qui vient, et qui la suit. Et il y a une personne qui meurt, et une autre personne qui hérite de cette personne par la suite, et ainsi de suite. Après, le cheikh il dit, قَوْلُهُ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ أي ينظر الله سبحانه وتعالى ماذا نفعل نظر ظهور ووقوع وليس بخاف عليه ما يقع من تصرفاتنا في علمه السابق الأزلي فهو يحصيها علينا ويطلع عليها سبحانه وتعالى وإنما يبتلينا بهذا الاستخلاف ليميز الخبيث من الطيب من أفعالنا ولأجل أن تقوم الحجة ثم قال فاتقوا الدنيا أي اتقوا فتنتها والدنيا لا تذم لذاتها فإنها مطية الآخرة وهي عبارة عن مخلوقات وطيبات وأرزاق ومنافع وإنما الذي يذم هو تصرف الإنسان فيها فاتقوا الدنيا أي فاتقوا فتنتها. Le cheikh il dit, il vous a mis dans cette dunya et vous a fait vous succéder les uns aux autres pour voir comment vous allez agir en celle-ci. Et le cheikh il explique, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il veut regarder qu'est-ce que vous allez faire dans cette dunya. Non pas parce que il ne le sait pas, mais pour voir ces choses-là qui se produisent et qui se réalisent et qui apparaissent lorsqu'elles apparaissent et lorsqu'elles se manifestent, pour être témoin de ça, pour voir ça. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, il a toujours su qu'est-ce qu'on allait faire et qu'est-ce qu'on allait dire et comment on allait agir à l'avance. Hein, avant même de nous avoir créés, il savait déjà qu'est-ce qu'on allait faire, comment on allait agir. Mais lorsque l'affaire se produit, il le voit et il observe, hein, et il constate qu'est-ce qui se passe. Hein, et c'est ça la signification du fait que Allah regarde comment on agit. Pas parce qu'il savait pas, mais juste pour justement constater qu'est-ce qui se produit et voir qu'est-ce qui se passe. Et donc, il avait déjà calculé et il savait déjà qu'est-ce qu'on allait faire. Mais il regarde qu'est-ce qu'on fait et il a voulu qu'il y ait cette différence-là entre nous et il a voulu qu'on se succède les uns aux autres pour pouvoir distinguer entre qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais et qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal de nos actions et dans le but d'établir la preuve contre nous. Dans le but d'établir la preuve contre nous. Par exemple, hein, c'est comme si par exemple Allah nous avait mis direct au paradis ou en enfer, hein, sans nous avoir fait passer à travers cette épreuve de la dunya. Quelqu'un aurait pu dire, par exemple, ou pourrait dire, mais moi je suis en enfer, mais je ne mérite pas l'enfer. Parce que si j'avais passé le test, j'aurais réussi et j'aurais mérité le paradis. Alors, maintenant, tu vis cette vie d'ici-bas et tu es en train d'établir la preuve contre toi-même. Maintenant, de savoir est-ce que vraiment je mérite le paradis ou est-ce que je mérite l'enfer par rapport à nos actions, par rapport à nos paroles, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Après, par la suite, au jugement dernier ou à la résurrection, il n'y aura pas quelqu'un qui pourra dire à Allah, non Allah, tu as été injuste envers moi, tu me punis alors que je ne mérite pas. Tu me donnes un châtiment alors que j'ai fait telle chose de bien ou que j'ai mérité le bien. Hein? et quelqu'un ne pourra pas nier qu'est-ce qu'il a fait, parce qu'il y aura son livre dans lequel ses actions ont été écrites, et il y aura même ses membres qui vont témoigner contre lui, hein, pour dire qu'est-ce qu'il a fait. Donc c'est une iqamat al-hujja, hein, comme le cheikh il dit. وإنما يبتلينا بهذا الاستخلاف ليميز الخبيث من الطيب من أفعالنا ولأجل أن تقوم الحجة. Donc pour établir la preuve. Et il dit ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et prenez garde à la dunya, faites attention à la dunya, c'est-à-dire prenez garde à la tentation de la dunya. Prenez garde aux épreuves de la dunya, parce que la dunya, le cheikh dit, elle n'est pas blâmée en elle-même. La dunya n'est pas blâmable en soi-même, dans le sens que elle n'est pas mauvaise d'elle-même, en elle-même elle n'est pas mauvaise, et elle n'est pas bonne non plus en elle-même. Mais la dunya, il dit, c'est comme, disons, quelque chose qui peut t'aider pour aller dans ton au-delà. Si tu veux le paradis, c'est ici que tu vas le mériter. C'est ici que tu vas faire en sorte que tu pourras aller au paradis. Donc, comme certains ulama, ils disent, ad-dunya mazra'atul akhirah. La dunya, c'est comme le champ pour l'au-delà. Tu sèmes ici, et dans l'au-delà, tu récoltes. Hein? D'accord? Donc, tout ce que tu vas obtenir dans l'au-delà, c'est ce que tu as semé ici. Et donc, il dit, la dunya, c'est comme différentes sortes de créatures, des bonnes choses, des subsistances, des biens, des choses de bien que Allah nous a données. Mais qu'est-ce qui est mauvais dans la dunya? C'est l'attitude de l'homme, la façon dont l'homme agit dans la dunya. S'il agit dans le bien ou s'il agit dans le mal. Et donc, c'est ça qui est dangereux dans la dunya. Et il dit, fattaqu ad-dunya, ay fattaqu fitnataha. Craignez la fitna, craignez l'épreuve, craignez la tentation de la dunya. Qala subhana, fala taghurrannakum al-hayat ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur. La tangharru bi zinatiha wa bahrajiha wa khudhu min khayriha wastamiluhu fi ta'atillah. Donc, le cheikh, il cite le verset 5 dans Surat Fatir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, alors ne vous laissez pas tromper par la vie d'ici-bas, et que le shaitan ne vous trompe pas à propos d'Allah. C'est-à-dire, ne vous laissez pas tromper par sa beauté, par son éblouissement, par qu'est-ce qui est éblouissant dans la dunya. Prenez de qu'est-ce qui est bon dans la dunya, utilisez-le dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et utilisez-le pour votre bien et pour pour votre bienfait et pour vos intérêts, les choses que vous en avez besoin, mais toujours dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit ensuite, wa qawluhu ittaqun nisa nassun 'ala an-nisa min bayni anwa' al-fitna. فالنساء من جملة فتن الدنيا وهي أشد من فتنة المال لأن فتنة المرأة تجر إلى الفاحشة والوقوع في فساد الأخلاق والأعراض وتؤدي إلى ضياع الأسر واختلاط الأنساب فالمرأة في الحقيقة هي القاعدة للمجتمع وإذا صلحت صلح المجتمع وإذا فسدت المرأة فسد المجتمع ومن هنا فإن أعداء الإسلام يحاولون إفساد المرأة وإخراجها من بيتها سافرة متمردة على الآداب الشرعية. Donc le cheikh il dit, ici le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, et prenez garde à la femme. C'est-à-dire que ça, c'est un texte, une parole claire et explicite de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui mentionne que la femme fait partie des épreuves et des tentations de la dunya. Et il dit que la femme fait donc partie de ses plus grandes épreuves et de ses plus difficiles tentations. Même plus dures encore que la tentation de l'argent. La tentation de la femme est même plus grande que la tentation de l'argent et des biens. Il dit parce que la tentation de la femme, elle pousse vers la perversité. Elle peut faire tomber les hommes dans le péché, dans la perversité. Et elle peut faire tomber dans la perversion et la corruption des comportements et des mœurs et la perte de l'honneur et la destruction des familles et le mélange des liens de parenté lorsqu'il y a des relations qui existent entre un homme et une femme hors le mariage, eh bien, ça crée du mélange dans les liens de parenté par la suite. Et ça arrive à un point tel, parfois même, les gens dans certaines sociétés des koufars, par exemple, où les gens, tellement ils ont des rapports entre eux en dehors du mariage, quelqu'un rencontre sa propre sœur, il ne sait même pas que c'est sa sœur, et puis il se marie avec elle, ou bien il a des enfants dans le zina avec sa propre sœur, et il ne sait même pas. Pourquoi? Parce que son père a eu des enfants avec plein de femmes, et sa mère a eu des enfants avec plein d'hommes, et ils ne savent pas qui est le fils de qui est la fille de qui, et finalement, qu'est-ce qui arrive? Ils se marient entre eux, à la fin, frères et sœurs, et ils ne savent même pas. Et c'est ça le résultat, tu vois, le mélange des liens de parenté. Allah le musta'an. Même peut-être un père, il va rencontrer sa fille plus tard, il ne sait même pas que c'est sa fille. Et puis, il fait le zina avec elle, puis après, il réalise que c'est sa fille. Tu vois? Donc, c'est pour dire comment les gens vivent dans des sociétés ou dans des situations où la femme, il y a un mélange dans les mœurs et dans la façon de vivre. Les gens ne respectent plus les règles d'Allah et donc le résultat, c'est ce qu'on voit maintenant. Donc, le cheikh, il dit, donc la femme, en réalité, c'est la fondation même de la société. C'est la base même de la société. Il dit, si la femme en elle-même, elle est bonne, la société, elle reste bonne. Mais si la femme devient perverse et corrompue, la société devient corrompue aussi. Hein? Donc c'est pour ça que les koufars, eux, ils font tout pour non seulement détruire la morale et les mœurs de la femme, mais même détruire l'image qu'on se fait de la femme dans notre esprit. C'est-à-dire que pour qu'on cesse de voir la femme d'une façon qui est propre et pure et saine et pieuse, mais qu'on la regarde comme quelque chose d'autre, justement, et d'essayer de détruire cette image de la mère, de la femme respectueuse des mœurs et qui est pieuse. Et souvent, si il voit que, par exemple, quelqu'un essaie de montrer une image de la femme qui est trop idéale, ou trop, disons, religieuse ou pieuse, ils essaient de dire ça c'est une sorte de déification de la femme, une sorte de représentation de la femme comme exagérée ou des choses comme ça. Alors que non, des femmes pieuses, des femmes vertueuses, des femmes dévouées, des femmes qui sont des bonnes mères et des bonnes épouses, ça c'est quelque chose qui n'est pas impossible. C'est pas quelque chose qui est difficile à concevoir, mais dans une société où les gens ont perdu tous les repères, c'est facile c'est facile de les faire croire que cette chose-là est loin ou impossible ou que c'est quelque chose qui n'existe pas. Parce qu'ils sont loin de ces modèles et de ces exemples-là. Et tu vois que souvent les gens qui ont réussi à avoir un équilibre dans leur vie et à trouver même l'islam parmi les non-musulmans, c'est souvent des gens que j'ai, d'après ce que j'ai observé, par rapport à des amis ou à des gens proches de moi qui ont accepté l'islam, et bien souvent c'était des gens qui avaient une mère qui était vraiment dévouée, une mère qui était vraiment exemplaire, qui justement leur a donné une base de morale dans leur vie. Et plus tard ils ont su reconnaître le bien de l'islam par rapport à ça. Tandis que souvent, des gens qui viennent d'une famille où la mère est absente ou bien elle a été un mauvais modèle ou un mauvais exemple, souvent tu les vois par la suite et ils deviennent des gens qui sont confus ou qui ont des troubles, dans leur façon de vivre, dans leur façon de penser. Donc, tout ça, c'est des exemples, tu vois, qui peuvent nous faire comprendre l'importance du rôle de la mère dans la société et à quel point c'est important. Et le cheikh, il dit justement que c'est tellement important, la femme dans la société, elle a tellement un rôle fondamental, hein, contrairement à ce que les koufars disent, que nous les musulmans, on ne donne pas à la femme aucun rôle important et qu'on la laisse à la maison, ou que le fait qu'elle soit à la maison, c'est quelque chose qui la brime dans sa liberté et dans son rôle. La réalité, c'est qu'au contraire, la raison pourquoi ils disent ça, c'est parce qu'ils veulent essayer de dévaloriser le rôle réel de la femme, pour essayer de faire comprendre aux gens, ou de faire croire aux gens que d'être une vraie femme, c'est d'agir comme un homme. Et que si la femme ne peut pas vivre comme un homme, ou être comme un homme dans sa façon de vivre, dans son rôle, dans la société, et être égale à égale avec l'homme sur tous les plans et de façon absolue, alors dans ce cas-là, elle ne sert à rien dans la société. Et elle n'est pas productive, hein, dans la société. C'est ça que les koufars veulent faire croire. Et donc, tout ce qui a rapport avec le rôle de la femme, de l'épouse, de la mère, de la femme qui s'occupe de ses enfants, ils vont le dénigrer, ils vont le rabaisser, ils vont l'insulter, ils vont montrer tout ça comme si c'était quelque chose qui fait que la femme, elle a aucune valeur, aucune importance. Puis tout ce qui a rapport avec le fait qu'une femme sorte dehors, et un travail, et plus possible un travail qui est traditionnellement un travail d'homme. Hein, il l'encourage vers ces branches-là et vers ces domaines-là, tu vois. Et donc c'est ça qui est triste, et c'est ça qui montre en fait comment ils travaillent justement pour corrompre la femme et corrompre la société. Donc le cheikh, il dit, c'est ça le rôle des ennemis de l'islam, et c'est ça ce qu'ils veulent. Corrompre la femme, la faire sortir de sa maison et le plus possible dévoiler. Et s'ils peuvent pas la faire se dévoiler du premier coup, c'est pas grave. Ils la font sortir au début, même avec son voile. Après, petit à petit, ils travaillent sur le voile. Si elle se couvre le visage, petit à petit, on travaille sur le fait d'enlever le voile sur le visage seulement. Pas le voile d'enlever au complet, juste le voile sur le visage. Une fois qu'on a réussi à l'enlever, le voile sur le visage, ok, on va passer à une autre étape. On va lui enlever le voile qu'elle a sous ses cheveux. Si on ne peut pas enlever le voile sous ses cheveux, on va lui dire, ok, enlève ta abaya, parce que ça c'est un petit peu trop lourd et ça t'empêche d'avoir la liberté de mouvement. Enlève ça, mets juste une petite robe, ça reste quand même moderne, modéré. Après, tu peux quand même porter des pantalons, il n'y a pas de problème. Alors on en met les pantalons. Après, écoute, ton voile, écoute, il est un peu ample et tout, tu peux peut-être le raccourcir, ou bien le mettre un petit peu plus coloré, un petit peu plus transparent, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'à la fin, le voile il reste plus, ou bien il devient quelque chose qui n'a plus aucun sens, aucune réalité, qui a aucun lien avec ce que la charia a ordonné ou prescrit à la femme de porter. Donc ça c'est la méthode et les ruses des koufars, et comment ils cherchent petit à petit à éloigner la femme musulmane de sa religion et des principes de la charia de l'islam. Et donc le cheikh, il dit, ils veulent amener la femme à devenir opposée aux manières et aux mœurs de la charia. Et il dit le cheikh, « وَيَقُولُونَ هَذَا مِنْ حَقِّهَا وَمِنْ حُرِّيَتِهَا أَنْ تَتَصَرَّفْ كَمَا تُرِيدُ فهي مظلومة وإنما يريدون بذلك أن يدمروا المجتمع والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء لما تركوا نساءهم يفعلن ما لا يجوز وهذا تحذير لهذه الأمة وقال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء فالواجب على الأمة أن تعي حجم المؤامرة على المرأة المسلمة فالنساء حواضن الرجال وقواعد البيوت فإن فسدت الحواضن فسد المجتمع كله ونحن مأمورون ابتداء بالإحسان إلى المرأة وحفظ كرامتها فإن هذا من تعاليم ديننا. Donc le cheikh, il dit, et les koufars, quand ils font ça, c'est-à-dire quand ils essaient de corrompre la femme puis de l'éloigner de son rôle de femme, d'épouse et de mère, Hein? Et quand ils essaient de dénigrer même ce rôle-là aux yeux des femmes et aux yeux de la société, eh bien, ils disent ça, c'est son droit. Ça, c'est parce que c'est son droit. Hein? C'est-à-dire, c'est son droit d'être corrompu, c'est son droit d'être perverse, c'est son droit de marcher à moitié nu dans la rue, c'est son droit de marcher dehors sans se couvrir islamiquement, c'est son droit d'être impoli envers ses parents, c'est son droit d'être désobéissante envers sa mère et son père, c'est son droit d'être désobéissante envers son mari, c'est son droit d'être désobéissante envers son créateur et son maître Allah subhanahu wa ta'ala, et de désobéir à son prophète. Donc le but c'est quoi? C'est de dire c'est son droit. Qui lui a donné ce droit? Les kuffars, hein? Les ennemis d'Allah, le shaitan. Voilà qui lui a donné ces droits-là. Mais Allah n'a jamais donné ce droit à la femme, hein? Bien entendu, c'est le diable qui la pousse à essayer de prétendre que ça c'est son droit. Et ils disent c'est sa liberté aussi. Donc ils la poussent à ça au nom de la liberté. Et la liberté c'est quoi? Est-ce que c'est de faire tout ce que tu désires, de faire tout ce que ton âme te pousse à faire comme péché et comme désobéissance, et de devenir par la suite esclave du shaitan, devenir esclave de ton nafs, esclave de tout ce qui est interdit, hein? Donc tu ne deviens pas libre en réalité. Tu deviens esclave de tes passions, esclave du shaitan, esclave de la société, esclave des koufars, esclave des médias, esclave de la télé, esclave de ton patron, esclave de ton travail. Tu deviens esclave de tout sauf d'Allah. Tandis que quand tu es esclave d'Allah, tu es libéré de tout le reste. Tu es libéré de tes désirs, tu es libéré de tes passions, libéré du shaitan, libéré de tout ce qui est mauvais. Mais ça, ils ne veulent pas cette liberté-là. Pour eux, les kuffars, la seule liberté, c'est uniquement lorsque tu peux faire ce que Allah t'a interdit de faire. Si tu peux faire ce que Allah t'a interdit de faire, tu es libre. Mais si tu ne peux pas, hein, c'est-à-dire si tu ne peux pas faire, tu ne peux pas te libérer de ce que Allah t'a ordonné, et si tu ne peux pas te libérer de la religion, dans ce cas-là, pour eux, tu n'es pas libre, même si tu pouvais faire tout le reste, hein. C'est-à-dire, tout ce que Allah t'a ordonné, tu peux le faire, mais si tu peux faire ce qu'il t'a interdit, pour eux, tu n'es pas libre. Donc, c'est ça le malheur. Allah al-Musta'an. Imaginez, par exemple, un pays non musulman, un pays de peu importe le pays. Imaginez ces pays-là, sans bar, sans alcool, sans prostitution, sans perversité, sans images provocatrices ou perverses ou d'obscénité. Imaginez ces pays-là sans les bars, sans les discothèques, sans tous ces endroits-là. Qu'est-ce que ce serait comme une vie, qu'est-ce que ce serait comme paix et stabilité et équilibre, hein, sur le plan des mœurs, sur le plan de façon de vivre, sur le plan de, hein? Les gens qui vivent par exemple dans les pays musulmans. Si tu regardes un des exemples, les meilleurs exemples que tu peux trouver aujourd'hui, comme l'Arabie Saoudite, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de discothèque, il n'y a pas d'endroit où les gens vont aller pour faire des péchés ou des perversités comme ça. Et il y a les mosquées où les gens vont pour adorer Allah, et toute la vie est basée sur l'adoration d'Allah. Hein? Donc, c'est parfait pour des gens qui veulent vivre une vie paisible, avoir une famille, et avoir des enfants, et les éduquer comme il faut, et vivre une vie stable et paisible. Il n'y a pas meilleur endroit sur la terre comme ça, si tu veux vivre. Mais eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Non, le désordre social, l'instabilité, la famille détruite, c'est ça ce qu'ils veulent. Donc ils encouragent toujours la femme à sortir, hein, de la maison, sortir de la famille, de l'emprise de tout ce que eux considèrent comme étant oppressif, alors que en réalité c'est là qui est la stabilité et l'équilibre. Le cheikh il dit ensuite, ils prétendent que la femme elle est opprimée, et ils prétendent que la femme on lui fait de l'injustice parce qu'elle peut pas faire tout ce qu'elle veut, et ils veulent uniquement par cela détruire la société. Ils veulent détruire la société. Hein? Mais ils prétendent que c'est pour le bien de la femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que la fitna de Bani Israël c'était à propos des femmes. Lorsqu'il laissait les femmes faire ce qui n'était pas permis, hein, eh bien c'était ça, c'est comme ça que la fitna est rentrée chez les fils d'Israël. Et il dit, ça c'est un avertissement pour notre Ummah aussi, pour les musulmans. C'est-à-dire que si on laisse nous aussi nos femmes faire qu'est-ce qui est haram, eh bien ça devient une, ça va devenir une fitna pour nous aussi. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je n'ai laissé après moi aucune épreuve, aucune tentation plus grande que la femme pour les hommes. Donc ça veut dire que la femme c'est une grande épreuve, une grande source de fitna pour les hommes. Et il dit, donc il est obligatoire à la Ummah de réfléchir et de bien comprendre ça, de comprendre la grandeur du complot qui est en train de se faire contre la femme musulmane. Et il faut comprendre également que la femme, c'est la règle, hein, c'est la base de la famille, c'est la base de la maison. Et c'est le réservoir qui crée les hommes, et c'est des femmes que les hommes sortent, hein. Donc, si la femme, elle est corrompue, c'est la société au complet qui va être corrompue. Et nous, on est ordonné, à la base, d'agir bien envers la femme et de préserver l'honneur de la femme. Hein? Et ça, c'est des choses qui font partie des enseignements de l'islam. C'est-à-dire, Allah, il a mis cette charge-là sur les épaules de l'homme, de s'occuper d'elle, de s'occuper de la femme. Et aujourd'hui, c'est devenu le contraire parfois. C'est-à-dire que il y a des hommes, ils veulent uniquement profiter de la femme et utiliser la femme pour leurs intérêts, pour leur jouissance, pour leur bien personnel, et utiliser la femme, hein, comme un objet, comme on utilise, quand on a fini avec, on la jette. Malheureusement, c'est comme ça. Hein, c'est devenu comme ça, Allah Musta'an. Donc il dit, et il y en a des gens comme ça, il dit, la seule femme que je respecte, c'est ma mère. Et les autres femmes à l'extérieur, j'ai aucun respect pour elles. C'est, hein? Oui, même il y en a qui pensent comme ça, je respecte ma mère seulement. Mais toutes les autres femmes dehors, c'est, pour moi, c'est comme ça vaut rien. Si tu penses comme ça, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde manque de respect envers tout le monde. Et il n'y a aucune femme qui va être respectée, tu vois? Donc, c'est pas la voie à suivre. Et les femmes, malheureusement, beaucoup de femmes, elles se laissent facilement influencer par ce qu'elles voient dehors. Et par ce que d'autres femmes font. Et si elles voient une femme, elle voit une autre femme qui est plus belle qu'elle ou qui attire plus l'attention qu'elle, elle dit, ah, mais moi aussi je veux attirer l'attention comme ça. Et moi aussi je veux faire comme, avoir tout ce que celle-là est là. Alors elle se dit, bon, si elle attire l'attention parce qu'elle s'habille de cette façon, mais moi aussi, si je m'habille comme ça, moi aussi je vais attirer l'attention, donc je dois l'imiter et je dois faire comme elle. Et donc c'est comme ça, tu vois, ces femmes-là qui sont faibles, un peu faibles dans leur personnalité, caractère, eh ben elles suivent d'autres dans leur mauvais exemple au lieu de suivre le bon exemple. Donc le cheikh il dit ensuite, wa qala ash-sha'ir al-umm madrasatun idha a'adadtaha a'adadta sha'ban tib al-a'raq ana la aqulu da'u an-nisa sawafira mithla ar-rijal يجلن في الأسواق في دورهن شؤونهن كثيرة كشؤون رب السيف والمزراق. Donc c'est un morceau de poésie que le cheikh il mentionne pour dire que la femme, elle est comme une école. La femme, c'est une école. C'est elle qui forme des nations si elle est bien éduquée, bien préparée. Hein? Et donc, il dit, je dis pas qu'on doit laisser les femmes marcher sans se voiler, sans se couvrir, comme les hommes qui marchent dans les marchés. Hein? Elle a un grand rôle, elle a des choses importantes à faire, comparables à ce que les hommes font dans leur domaine à eux. Allah, il a voulu qu'il y ait des rôles différents pour les hommes et des rôles différents pour les femmes. Par sa sagesse. Et c'est pour ça qu'il a créé les hommes et les femmes différents. S'il voulait que l'homme et la femme soient pareils et qu'ils fassent tous les deux les mêmes rôles dans la société, il n'aurait pas créé deux sexes, il aurait créé un seul sexe. Hein? On aurait tous été tous des hommes, il n'y aurait pas eu de femmes, ou tous des femmes, il n'y aurait pas eu d'hommes. Et là, tout le monde aurait eu les mêmes rôles. Mais il n'a pas voulu ça. Il a voulu qu'il y ait des hommes et des femmes, pour que les femmes s'occupent des rôles qui ont rapport avec le rôle de la femme, et les hommes s'occupent du rôle de, pour les hommes. Et c'est une chose qui nous fait réfléchir par rapport à ça, c'est que même si les koufars dépensent des millions en publicité et en programme pour inciter les femmes à rentrer dans des domaines qui sont, comme ils disent eux, traditionnellement des domaines de femmes et d'hommes, hein, oui c'est ça, traditionnellement des domaines d'hommes, ils les encouragent à s'en aller dans ces domaines-là, malgré tout ça, ils disent les femmes continuent à aller dans les domaines qui sont des domaines traditionnellement de femmes. Alors, est-ce que pour eux, ils disent c'est parce que la femme, elle a été programmée. Et comme si, en voulant dire, on l'a programmé à penser de cette façon, ou à avoir l'idée que c'était pour des domaines pour les femmes, donc il faut aller dans les domaines pour les femmes. Et que ce n'est pas quelque chose qui est relié à sa nature profonde, ou à sa personnalité, ou à son identité en tant que femme. Comme si pour eux, la seule différence entre un homme et une femme, c'était juste... la différence biologique. La seule différence entre l'homme et la femme, c'était juste la différence sur le plan du sexe. Que l'homme, il a tel organe, et la femme, elle a tel organe, et c'est ça qui est la différence seulement. Et qu'il n'y a pas des aspects qui sont reliés à ça, qui sont psychologiques ou autres. Mais non, il y a tout est relié ensemble. La femme, elle est différente, pas seulement physiquement, mais aussi même psychologiquement, et sur différents aspects. Et Allah a voulu qu'elle soit différente comme cela, pour une sagesse. Et il y a du bien là-dedans. Parce que si la femme était comme l'homme dans tout, comment elle aurait pu s'occuper bien des enfants? Comment elle aurait pu bien s'occuper de la famille? Comment elle aurait pu bien s'occuper de l'homme? Si la femme était exactement comme l'homme, il n'y aurait pas d'équilibre. Et la différence entre le mâle et la femelle, c'est pas seulement chez les êtres humains, c'est même chez les plantes, même chez les animaux. Donc Allah, il a créé ça pour une sagesse. Il a voulu qu'il y ait ça, c'est pour une raison. Et donc il faut pas aller contre ça, hein, il faut l'accepter. Et puis il faut, même si, de toute façon, même si quelqu'un essaie d'aller contre, le résultat à la fin va toujours revenir en faveur de ce que Allah a décrété comme principe, comme règle dans la nature, dans la création. Tu ne peux pas aller contre ça. Après, le cheikh il dit: فَالْمَرْأَةُ عَلَيْهَا دَوْرٌ كَبِيرٌ فِي بِنَاءِ الْمُجْتَمَعِ فَعَلَيْهَا هِيَ أَن تَتَّقِ اللَّهَ فِي نَفْسِهَا وَفِي أُسْرَتِهَا وَعَلَيْهَا أَن تَحْذَرْ مِنَ الْفِتْنَةِ وَالْإِنْحِرَافِ بِهَا عن دورها اللائق بها وعلى أوليائها أيضا أن يحققوا قول الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Donc le cheikh il dit que la femme, elle a un grand rôle dans la société, hein, et dans la construction de la société. Et elle doit, elle, de son côté, craindre Allah également, en elle-même, en sa personne et en sa famille. Et elle doit se préserver, elle aussi, des épreuves et des tentations. Et elle doit se préserver de la déviation, de s'égarer ou de dévier de son rôle qui lui correspond, qui lui convient, que Allah lui a déterminé. Des fois, c'est comme les koufars, ils disent: oui, mais la femme est aussi capable de faire ce qu'un homme est capable de faire. Hein? La femme est autant capable de le faire que l'homme, donc pourquoi elle ne le fait pas? Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, s'il ordonne à la femme un rôle différent de l'homme, c'est pas parce que la femme n'est pas capable de le faire, mais c'est parce que ça ne lui convient pas. C'est-à-dire que des fois, même entre les hommes, on n'est pas tous aptes à faire les mêmes travaux. Même entre les hommes, il y a des différences physiques, hein, et autres. Et donc, est-ce que tu vas demander, par exemple, à un homme qui est faible physiquement, qui n'est pas costaud, de faire les mêmes travaux qu'un homme qui est yani, très fort physiquement et très musclé et capable de faire des travaux très lourds. Non. Si un homme est très yani, son intelligence est très développée puis qu'il est très fort dans le calcul ou dans la génie ou autre chose, hein, et puis tu vas lui dire non, t'as ces talents-là ou ces capacités-là, mais nous on veut que tu sois pâtissier, tu vois, puis tu vas être pâtissier, hein. Il peut être un bon pâtissier, mais il est capable de faire quelque chose d'autre mieux que ça encore pour lui. Donc ça ne veut pas dire que parce que tu vas être par exemple capable de faire quelque chose que c'est nécessairement ça que tu dois faire. D'accord? Donc si par exemple une femme peut être policier, peut-être qu'elle est forte, hein? Mais ça ne veut pas dire que parce qu'elle est capable qu'elle doit le faire nécessairement. Il faut regarder aussi qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, qu'est-ce qu'il a décrété, qu'est-ce qu'il a spécifié, qu'est-ce qu'il a clarifié pour l'homme et pour la femme, et de regarder la société en tant qu'un tout, pas juste de regarder les choses de façon individuelle, parce que dans la société actuelle, c'est comme ça, les gens sont individualistes, c'est-à-dire chacun pense pour lui seulement, et qu'est-ce qu'il veut faire lui, et c'est ça ce qui compte. Qu'est-ce que la communauté a besoin, qu'est-ce que la société a besoin, qu'est-ce que le monde a besoin, comment l'ordre dans la société, comment il doit être établi, ça c'est pas important. Qu'est-ce qui compte, c'est moi, qu'est-ce que moi je veux faire, et le reste du monde, ça m'est égal. Et ça, c'est pas la façon comment on doit voir. Et le cheikh, il dit également, les responsables de la femme, ils ont un rôle à réaliser. Dans le verset que Allah a révélé, le verset 34 dans Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie, les hommes sont les responsables des femmes. À cause de ce que Allah a préféré ou a donné comme préférence à ceux-ci sur celles-ci, et à cause de ce qu'ils dépensent de leur bien pour la femme. Donc Allah, il a donné à l'homme la position de chef sur la femme et de responsable sur la femme. Et ça, c'est pas quelque chose que l'homme a décidé lui-même pour dire c'est moi le chef de la femme, c'est moi son maître. Je dois lui dire quoi faire et pas quoi faire. Selon qu'est-ce que je veux, moi. Non. C'est un ordre qui vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui a décidé que l'homme soit le chef de la femme. Il est le responsable de la femme. Et l'homme, dans l'islam, c'est lui le chef de la famille. C'est lui le chef de la femme et de ses femmes qui sont chez lui, de ses épouses et de ses filles. Mais ça ne veut pas dire qu'il a le droit absolu sur ses femmes. Mais il doit les ordonner à ses femmes selon l'ordre d'Allah. Et bien entendu, s'il ordonne à ses femmes de faire qu'est-ce qui est haram, elles n'ont pas le droit de lui obéir dans le péché, seulement dans qu'est-ce qui est permis. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Innama ta'atu fil ma'ruf ». C'est-à-dire l'obéissance n'est que dans le bien. Tu ne peux pas ordonner qu'est-ce qui est interdit à tes femmes ou à tes filles ou yani, à quiconque. Et donc ça vient détruire les arguments des féministes. Tout ça, ça, qu'est-ce qu'on lit, les versets et les hadiths, ça détruit les arguments des femmes qui se prétendent féministes et qui prétendent que l'homme est égal à la femme absolument et dans toute chose. Et ça vient détruire également les pensées et les idées de ceux qui appellent à la théorie du genre, ou de dire que l'homme et la femme c'est la même chose, et qu'il ne faut pas distinguer ou apprendre aux enfants à se distinguer entre sexe masculin ou féminin. Il faut leur enseigner que les deux c'est la même chose. Et à la fin, c'est comme s'ils sont en train de pousser les gens vers, par la suite, l'homosexualité, hein, et la perversité, de dire que des hommes peuvent marier des hommes, des femmes peuvent marier des femmes. Et après, c'est encore plus de désordre et de corruption dans la société. Hein. Donc le cheikh il dit wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hadhara min fitnat ad-dunya 'umuman thumma hadhara min fitnat an-nisa' khususan wa bayyana mithalan 'amaliyan li hadhihi al-fitna wa hiya ma waqa'a li bani Israila min al-fasad wa min ad-damar alladhi halla bihim بسبب إهمالهم لنسائهم يعني ما لما تجملت نسائهم وتعطرت وخرجت وتركت وظيفتها الحقيقية فغوت وأغوت مجتمعها فكانت العقوبة ما أنزل الله ببني إسرائيل من الأمراض والأسقام المهلكة وتسليط الطواغيت عليهم كما ذكرت كتب التاريخ ذلك. والواقع والمشاهد من أحوال نساء الغرب اليوم الذي يدعو سفهاؤنا إلى تقليدهم فيه. Donc le cheikh il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre la fitna de la femme de façon générale. Et il a mis en garde contre la fitna de la femme. Il a mis en garde contre la fitna de la dunya de façon générale et la fitna de la femme en particulier. Et il a expliqué et donné des exemples pratiques de la fitna de la femme en donnant l'exemple de ce qui est arrivé au fils d'Israël comme désordre et comme corruption. Et comme destruction à cause du fait qu'ils ont négligé leur femme. C'est-à-dire, la femme a commencé à s'embellir, à se maquiller, à se parfumer, à sortir dans la rue, enjolivée, et elle a abandonné son rôle réel, son vrai rôle. À cause de ça, elle s'est déviée elle-même, et elle a fait dévier la société tout entière. Et ça, c'est à cause de ça que Allah a fait descendre, donc, un châtiment aux fils d'Israël, des maladies, hein, et des maladies, et des malaises yani, qui les a fait périr, et également par la suite des tyrans qui ont été au-dessus d'eux et qui les ont fait subir plein de châtiments. Comme on a vu, même le cheikh au début du livre, il mentionnait l'exemple de ce qui est arrivé aux juifs en Allemagne ou en Europe avec Hitler par exemple. Ça c'était un exemple, mais avant ça, même dans l'histoire, il y a eu plusieurs tyrans qui ont yani, causé au peuple d'Israël beaucoup de difficultés. Et, je me rappelle le cheikh Al-Fawzan au début du livre, dans l'introduction, il avait mentionné un roi perse, j'ai oublié son nom, il avait beaucoup de difficultés à prononcer même son nom, mais je l'avais trouvé finalement, comment ça se prend, ouais, Nabuchadonosor. Ça, c'était un des rois qui avait fait l'exode des Juifs en Perse. Hein, il avait pris tout ce qu'il y avait là-bas, puis il l'a ramené avec lui là-bas, en Perse. En tout cas, c'est beaucoup de la Palestine, de là où ils étaient. Hein. Donc, ça, c'est des exemples. Ils ont subi plusieurs châtiments comme ça. Et tout ça, c'est à cause de ces péchés-là, de ces transgressions. Et le cheikh il dit ensuite, et on voit donc que l'état actuel des femmes dans les pays occidentaux aujourd'hui, c'est un des plus grands témoins pour nous faire réaliser le danger de la femme et comment elle peut devenir une fitna si on surveille pas et si on fait pas attention justement à la façon dont on s'occupe d'elle. Donc il dit, regardez, certains de nos faibles d'esprit aujourd'hui sont en train d'essayer de nous inviter à vivre comme les occidentaux, alors qu'en réalité tu vois que qu'est-ce qui arrive à la femme aujourd'hui en Occident, c'est la catastrophe, hein. Donc les koufars, eux, ils sont en train d'aller dans les pays musulmans pour dire aux femmes, libérez-vous, puis ici même dans leur propre pays tu vois que la femme, elle est misérable et elle est humiliée. Elle n'a aucune honneur, aucune dignité, aucun respect. Hein? C'est vrai. Et donc, subhanallah, regardez les femmes ici, comment elles sont traitées, puis vous allez comprendre et voir que ces gens-là, c'est en réalité, c'est des menteurs. Donc il dit, وَقَوْلُهُ وَهَذَا نَظِيرُ مَا سَنَذْكُرُهُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةِ وَيُشِيرُ إِلَى مَا حَذَّرَ مِنْهُ مُعَاوِيَةِ رضي الله عنه لما قدم المدينة في خلافته وخطب الناس وقد أخرج كبة من شعر وقال أين علماؤكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما هلك بنو إسرائيل لما اتخذت نساؤهم هذا، بمعنى أنها تتزين وتتجمل وتظهر مفاتنها للناس، ثم إنها لا تكتفي بزينتها التي أعطاها الله، بل إنها تحاول التزييف ووصل الشعر فتجعل لها شعرا ليس لها لتدلس على الناس وتميل الناس إليها. فالمرأة سلاح فتاك، فإذا لم تتق الله فإنها تدمر وتفسد المجتمع، فيجب كف شرها عن المجتمع بإلزامها بالآداب الشرعية. Donc le cheikh il dit et ensuite Ibn Taymiyyah il dit, et ça c'est semblable à ce que on va mentionner du hadith de Muawiyah radiallahu anhu. Il dit, il indique par cela ce que Muawiyah avait mentionné comme avertissement lorsqu'il est venu à Médine durant son khilafa. Et il a dit, en faisant un discours, en s'adressant aux gens, il a fait sortir un truc de, avec des cheveux dessus, quelque chose avec des cheveux, et il a dit, où sont vos ulama? Et il a dit, le messager d'Allah a dit, les gens de Bani Israël ont uniquement péri lorsque leurs femmes ont commencé à porter ceci. Et il a sorti comme un genre de perruque ou des cheveux, des faux cheveux. Le Cheikh Al-Fawzan dit, ça signifie que la femme, quand elle commence à s'enjoliver et à montrer ses parures et sa beauté pour devenir une épreuve et une fitna pour les gens, eh bien ça c'est pas suffisant. C'est-à-dire, elle ne se limite pas juste à sa propre beauté, mais à sa propre beauté qu'Allah lui a donnée, et de l'exposer devant tout le monde, mais en plus, elle rajoute même des choses qui font même pas partie de sa beauté, mais elle triche, elle trompe les gens en rajoutant des choses à elle-même pour montrer une fausse beauté, une beauté qui n'est même pas la sienne. Comme par exemple le fait de rattacher des cheveux à ses cheveux ou de porter des perruques ou des choses comme ça. Et donc ça c'est une forme de tricherie, une forme de mensonge pour les gens, pour faire pencher les gens vers elle, pour attirer les gens. Et donc il dit que la femme est donc une arme, la femme est donc une arme dangereuse si elle ne craint pas Allah. Si elle ne craint pas Allah, elle détruit et elle corrompt la société. Et donc, il est obligatoire de la retenir pour qu'elle ne cause pas du mal à la société et pour lui imposer les règles de la charia. Et donc, le cheikh, il dit ensuite, parce qu'il y a des fois, tu vois, des ikhwan, ils disent, dans l'islam, la femme, elle porte le voile, c'est son choix. Elle est libre de le porter ou de ne pas le porter si elle ne veut pas le porter. Et ça, c'est pas vrai. Parce que dans l'islam, la femme, elle n'est pas libre de se soumettre à Allah ou de ne pas se soumettre à Allah. On est obligé dans l'islam d'obéir à Allah. Et c'est une responsabilité pour l'homme d'imposer à la femme d'obéir à Allah. Donc par exemple, si tu as une femme ou une fille, eh bien ton devoir en tant que père ou en tant que mari, c'est d'imposer à ta femme d'obéir à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et si elle refuse, eh bien, toi, ton devoir, c'est de lui rappeler de son obligation et de lui faire obéir à l'ordre d'Allah. Si t'es un dirigeant musulman, dans un pays musulman, ton devoir, c'est de faire appliquer à ton peuple les règles d'Allah et de leur interdire de désobéir aux ordres d'Allah, que ce soit des femmes ou des hommes. Et donc ça comprend d'imposer aux femmes de ton pays l'ordre d'Allah et d'obéir à Allah. C'est pas vrai que dans l'islam, tu peux décider que tu ne veux plus adorer Allah ou que tu ne vas pas te voiler ou que tu ne vas pas faire ci ou ça. C'est celui qui dit ça aux kuffar, yani pour leur faire plaisir ou quoi, il a menti sur l'islam. Parce qu'il n'y a rien dans le Coran qui dit celui qui ne veut pas obéir à Allah ou qui ne veut pas prier ou qui ne veut pas jeûner ou qui ne veut pas porter le voile, la femme qui ne veut pas porter le voile, elle a le droit de le faire. C'est faux, c'est pas vrai. Allah, il ordonne dans le Coran d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et encore plus si tu es un père de famille ou un responsable, d'ordonner à ta famille le bien et d'interdire à ta famille le mal. Hein? Si ton fils, tu as un fils, on va dire qu'il a 16 ans ou il est adolescent, il décide de rentrer avec de la bière à la maison. Hein? Tu dis non, mais dans l'islam, on est tous libres. Donc lui, s'il veut rentrer de la bière dans la maison, il peut. Non. Alhamdulillah, qui a dit ça? Celui qui a compris la religion comme ça, il a pas compris la religion du tout. Hein? Donc, c'est la même chose, même les koufars, c'est la même chose, même les koufars, ils comprennent ça, ils savent ça. Mais quand ça arrive à l'islam, ils deviennent stupides. Nasallallahu al-afiyah. Hein? Tout d'un coup, ils deviennent stupides. Une fois, il y a une de ces femmes laïques, arabes laïques, hein, qui m'a appelé au téléphone une fois, me posait des questions comme ça. Elle dit, non, mais ta fille, tu dois la laisser libre si elle ne veut pas pratiquer, porter le voile, des choses comme ça, ou pratiquer la religion. J'ai dit, vous avez des filles? Elle m'a dit, oui. J'ai dit, si elles ne veulent pas faire le devoir, vous leur dites quoi? Vous êtes libre? Vous ne faites pas tes devoirs? Elle me dit, non, je les force à faire leurs devoirs. Et j'ai dit, qu'est-ce qui arrive si elles ne veulent pas les faire quand même? Elle dit, je leur donne une punition. Elle dit, ah bon, c'est bizarre. Pour les choses de la dunya, vous leur imposez et vous leur rendez obligatoire, et même s'ils refusent, vous les punissez. Mais pour l'ordre d'Allah, vous leur donnez la liberté, puis tout d'un coup, vous devenez stupide. Hein? Vous les punissez pas. Hein? Donc ça veut dire, pour vous, la dunya est plus importante que l'au-delà. Hein? Donc c'est ridicule. Elle dit, non, mais ça c'est pas pareil, parce que ça c'est des choses, hein, c'est leur avenir. Elle dit, quel avenir, hein? Si elles vont brûler dans l'enfer pour l'éternité, ou si elles vont être punies par Allah au jugement dernier, ça c'est pas un avenir, ça, hein? Donc c'est pour dire, les gens deviennent superficiels et ils voient pas plus loin que le bout de leur nez. Allah Moustan. Ben c'est ça. Allah Moustan. Allah Moustan. Donc le cheikh il dit, وهذا الحديث في تحريم وصل الشعر بشعر بشعر آخر وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة فالواصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها والمستوصلة هي التي تطلب ذلك ممن يعملنا أو ممن يعمله بها مما يسمى بالكافرات الكافرات اليوم peut-être qu'il voulait dire الكوافرات quelque chose comme ça les arabes maintenant, bon, en tout cas le cheikh il dit que le hadith il interdit d'attacher des cheveux à des cheveux, de mettre des extensions, hein, avec d'autres, une femme émet des cheveux, et ça se fait surtout en Afrique de l'Ouest, en Afrique en général, et dans les pays comme en Haïti, dans les Antilles, les femmes haïtiennes, les femmes, ils font souvent ça. Pourquoi? Parce qu'elles prétendent que leurs cheveux ne poussent pas, donc elles ont les cheveux courts, et donc à cause de ça, elles veulent compenser. Donc des fois, tu vois des femmes noires avec des longs cheveux, tu dis, oh, elle a des cheveux longs, celle-là. Et en réalité, c'est pas du tout ses cheveux à elle, c'est des cheveux qu'elle a rattachés comme ça à ses propres cheveux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les femmes qui attachent les cheveux à d'autres, c'est-à-dire qui font les extensions pour les autres, et il a maudit aussi celles qui demandent à l'autre de lui faire des extensions. Hein? Donc ça veut dire que c'est interdit dans l'islam pour une femme de se mettre des extensions ou de demander à quelqu'un de lui poser les extensions. Et il dit ensuite, وقوله وكثير من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها إنما يدعو إليها النساء أي أن النساء هن في الغالب السبب في التحريض على البدع وعلى مشابهة أهل الكتاب في أعيادهم وفي غيرها من عاداتهم الضارة التي يفعلونها في أعيادهم وها هي الآن تطالب بالخروج للحفلات غير المحتشمة لتشارك بعرض نفسها متخلية عن الآداب الشرعية لتبدي زينتها مختلطة بالرجال وكل ذلك من إهمال القائمين عليها من أوليائها. Donc le cheikh il dit que Ibn Taymiyyah par la suite il dit, et beaucoup d'entre les ressemblances qui sont faites aux gens du livre dans leurs fêtes et autres, c'est uniquement les femmes qui invitent à cela. Et Cheikh Al-Fawzan il dit, c'est-à-dire que les femmes, ce sont elles en général qui sont la cause de l'incitation vers les innovations et vers le fait de ressembler aux gens du livre dans leurs fêtes, dans leurs célébrations, et dans d'autres de leurs coutumes qui sont nuisibles, et qu'elles veulent, qu'il y en ait de leurs coutumes et des choses qu'ils font durant leur fête. Et voilà maintenant qu'elles demandent la permission de sortir pour aller dans des fêtes, hein, et de, dans des endroits où il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de respect et de gêne, pour participer à ces fêtes et de s'exposer elles-mêmes, hein, en se libérant des règles et des mœurs islamiques et des mœurs de la charia, pour montrer ses parures et se mélanger aux hommes. Et tout ça, c'est à cause de, également à cause de la négligence des responsables, des femmes, c'est-à-dire des hommes, des pères, des, hein, des maris, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est des exemples. Qu'est-ce que le cheikh il mentionne? C'est des choses qui se produisent. Et si c'est le cas dans les pays musulmans actuellement, donc imaginez comment ça doit être encore plus grave dans les pays occidentaux où vivent les non, où vivent les musulmans, parmi les non-musulmans, et où l'influence du mal est beaucoup plus grande et beaucoup plus difficile. Hein? Même que les koufars, parfois, yani, ils vont même yani, utiliser même la force pour imposer aux musulmans de suivre leur mode de vie, et pour corrompre les femmes et les filles des musulmans. Hein? Allah Moustan. Donc, il y a juste un point que je voulais mentionner aussi par rapport à ça, c'est que, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, c'est ça le, de façon générale, il faut que la femme craigne Allah, il faut que la femme musulmane craigne Allah, peu importe où elle est. Pas de dire, par exemple, on est dans tel pays, ou on est en Occident, on est en Amérique du Nord, on est en Europe, donc on ne doit pas vivre selon nos principes. Non, peu importe où tu es, tu dois vivre selon tes principes. Et puis, si tu as de la difficulté à vivre selon tes principes quelque part, eh bien, si c'est à cause de la société, dans ce cas-là, essaie de trouver un endroit ailleurs où tu vas pouvoir pratiquer ta religion et respecter tes principes. Sans trop de difficultés, ou avec moins de difficultés, tu vois, pour que tu ne sois pas mis à l'épreuve de façon trop difficile dans ta religion. Parce que quand ton épreuve est dans la dunya, c'est une chose, mais quand ton épreuve est dans ta religion, là c'est grave, c'est très dangereux. Hein? Donc, nasallallahu ala afiyah, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين